Vous êtes française ? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité ? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome. Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Vous aussi, vous allez à Rome ? Oui, mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre, Adriana Tempesta. Vous connaissez ? Non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter porte 15. C'est notre avion. On y va.